Exorcisme de groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur Arcuset 95 FM. Eh ben, bien le bonsoir, chers auditeurs, auditrices, dire que c'est bonsoir Sylvain. Bonsoir Monsieur Scream. Ça va en forme? Bah écoute, oui, ça va et toi? Bien, bien, bien. Bah voilà, on est un petit peu à la bourre aujourd'hui. Voilà, il y a un petit problème technique. Oui, voilà, ça arrive. Voilà, donc, mais que veux-tu? On est là. En forme, ton week-end s'est bien passé? Bah écoute, oui, un week-end venteux, oui, ça a été. Bah ça va alors. Et toi? Ben bien à la maison, bien au chaud, parce que voilà, on était prévu pour aller au REM, mais en plus j'étais pas très très bien, donc voilà. Ouais. Bon, voilà. En plus avec le temps qu'il a fait, ben que veux-tu. On est au rendez-vous aujourd'hui et aux alentours de 20h15, on aura Zach de Lunar Experiment en interview. Mm-hmm. Voilà, on remercie Elodie de nous avoir accordé cette interview fauneur, hein, comme on dit. Et oui. On ne peut pas faire que du direct, hein. Malheureusement, ce serait bien. Ce serait bien. Alors, aux alentours de 20h45, si tu veux, on annoncera les gagnants du concours pour l'album voilà, qui était Bull Run. Il y a eu plein de gagnants et on annoncera les noms. Oui, ok, pas de soucis. Voilà, voilà. Et toi, on te retrouvera aussi pour ta... Sylvain Song. Et mes nouveautés que j'ai préparées. Waouh, c'est bien. Eh oui. Voilà. Et bien entendu, le slasher nous a préparé aussi sa slasher song. Ouais. Voilà, allez, on va s'écouter une petite nouveauté que j'affectionne très fort. Ça s'appelle In Search of Sun. Oh, Voilà, donc c'était In Search of Sun avec Patrick Thior. Franchement, j'aime vraiment bien ce... Ouais, c'est bien. C'est bien, hein. Ouais, c'est sympa, c'est relax, c'est bien. C'est bien travaillé. Voilà, on commence un petit peu relaxou avant le petite interview. Oh, joli relaxou avec petite interview. Oh, qu'est-ce que tu fais de beau rime, quand oui. même. On va aller du côté de l'Espagne avec Excalibur. Bah, Excalibur, normalement, c'est anglais. Mais bon, que veux-tu? Mais ça, c'est le groupe qui s'appelle Excalibur. Et on va s'écouter El Indigente. C'est extrait de l'album Humo Negro. Donc, à mon avis, ça veut dire humain nègre, un truc comme ça, hein, je suppose. J'ai pas fait l'espagnol. Et le slasher n'est pas là. Donc, il ne pourra pas nous aider. Negro, c'est une couleur. Negro, noir, peut-être. Je sais pas. Je ne sais plus quelle couleur c'est en espagnol. On lui demandera au slasher. Ou s'il nous écoute, il peut nous répondre s'il est là à l'affût. Allez, c'est parti. Et puis, normalement, après, ce sera l'interview. Limosna Voilà, donc c'était Excalibur avec El Indigente. Voilà, on va se retrouver avec Zach d'ici quelques secondes. Hop. Et je dis allô. Oui, salut Eric. Oui, bonsoir, bonsoir Zach. Zach, membre du groupe, bien entendu, Lunar Experiment. Comment tu vas ? Eh ben, écoute, ça va très bien. Merci beaucoup de me recevoir par téléphone. Mm-hmm. Et, j'espère que toi, ça va aussi. Oui, il n'y a pas de souci, ça va très très bien. Donc juste un peu avant de commencer cette interview, je vais te laisser présenter un peu le groupe, d'où êtes-vous exactement basé, tout ça quoi. Ok, ça marche. Bah écoute, Lunar Experiment, c'est un groupe de prog rock. Mmh. C'est du rock, on va dire. Après, c'est vrai qu'on s'exprime dans une musique qui n'a pas forcément de format. C'est ça qui fait qu'on a ce petit côté prog. Et on est de Paris. D'accord. On est à Paris en France, donc on est à la frontière. Enfin, on est frontalier, du coup, avec vous, la Belgique. Mmh. Tu fais quoi comme instrument dans le groupe ? Alors, je suis guitariste-chanteur. Oui. Voilà. D'accord. Ma première question, le nom du groupe Lunar Experiment, moi j'ai un peu l'impression que ça s'apparente un peu aussi à du Jimi Hendrix Experiment. Je sais pas, hein, je te pose la question pour rentrer un peu dans le vif du sujet, quoi. Yes, bah écoute, c'est vrai que pour le coup, le rock des années 70, c'est une très très grande influence pour tous les membres du groupe. Je peux me permettre de le dire, et Hendrix particulièrement aussi, puisque on est vraiment des musiciens à guitare. Pour le coup, on écrit la musique à partir de la guitare. Oui. Et il est évident que Hendrix a laissé sa marque profondément en nous. Mm-hmm. Lui et aussi d'autres groupes des années 70. Enfin, moi, je sais que je suis très très fan de Jefferson Airplane et de Grateful Dead. D'accord. Voilà, ça fait partie de notre background musical. Alors après, c'est pas tant un clin d'œil à Hendrix. En fait, c'est très bizarre. En fait, Lunar, à la base, c'est Lunar Park. Ça m'est venu d'un mm-hmm. roman de Bret Easton Ellis. Oui. Qui est Lunar Park, justement. Et Experiments, pourquoi ? Parce qu'en fait, le projet a commencé en étant plus ou moins un laboratoire musical. Voilà. Je plaçais toutes les idées possibles et imaginables sans forcément avoir de limites à la musicalité et à l'écriture. Et du coup, pour les autres aussi, ils ont bien saisi le projet dans ce sens-là, les autres membres du groupe. Et donc voilà, ça exprime plutôt bien notre envie et notre manière de faire, justement, ce nom de groupe nous représente bien. Vous existez depuis combien de temps ? Alors moi, j'ai commencé à écrire la musique en 2012. Oui. Et le groupe en lui-même existe depuis 2013. On a sorti un premier EP et puis nous voilà déjà au deuxième. Sortira du coup le 15 septembre, vendredi de cette semaine du coup. Oui. Très impatient parce que pour le coup là c'est vraiment le groupe qui s'exprime dans sa totalité, dans le sens où le premier EP n'avait pas été fait avec ces membres là et du coup là on se permet d'autres choses, on s'est ouvert, moi je me suis ouvert à des amis parce que c'était une bande de potes avant d'être mes musiciens dans le art. Et du coup, il y a cette espèce de symbiose très, très humaine au final. Il y a beaucoup de sentiments. On a traversé beaucoup de choses ensemble, voilà, en dehors de la musique, justement, avant même de jouer ensemble. Donc, toute cette symbiose, je pense, se ressent très fortement dans la musique. Et j'ai vraiment hâte que les gens puissent entendre ce nouveau volet de Lunar Experiment. Et comment, justement, se passent les compositions au sein de Lunar ? Alors, comme je te disais, nous, on écrit plutôt à la guitare. Donc, je le précise, c'est vrai qu'il y a pas mal de songwriters qui font au piano, ou avec, tu sais, les différentes gammes pour pouvoir retrouver les octaves, etc. Donc, du coup, nous, on travaille, on est un peu des riffeurs, si je peux dire, parce qu'on a un background très métal. Finalement, on vient de cet univers-là. On avait des groupes de métal avant avant de jouer dans du prog rock. Et du coup, on a tendance à s'exprimer de manière un peu archaïque, comme ça, derrière notre guitare. C'est des suites d'idées qui viennent un peu naturellement avant de commencer à être triturées par la suite sur Cuba. Donc du coup, c'est plutôt Adrib, donc Adrien, mon guitariste, et moi-même qui écrivons la musique. Et comme on est très impatient, c'est vrai qu'on a tendance à vite placer les éléments, tu vois, genre mettre une basse, faire de la batterie en midi, qui après, évidemment, n'est jamais fixe, tu vois, c'est un truc qu'on retravaille après tous ensemble en studio. Et donc on a quand même toute cette part d'implication dans l'écriture. On a tendance à partager beaucoup de choses ensemble. Ouais. Et question texte, alors, comment cela se passe alors? Est-ce qu'il y a un droit de regard avec les autres membres ou pas du tout? Je leur envoie les textes. Alors après, par contre, c'est vrai que moi, je leur fais entièrement confiance aussi pour ce qui est des choix des notes sur la mélodie du chant, etc. Donc c'est vrai que comme j'ai tendance à faire ça un petit peu dans mon coin, je leur fais des boons, tu vois, de pré-production avec la musique et le chant. Je leur envoie, on peut modifier tout ça, tu vois, c'est beaucoup d'échanges. Mais sinon, pour l'écriture des textes, je m'en charge. Et c'est vrai que je me laisse beaucoup vagabonder dans le rêve et différentes choses très c'est très subconscient pour le coup. J'écris des choses, voilà, je me laisse très très facilement inspirer étrangement par des choses que je peux voir aussi et des choses que je peux vivre. J'aime bien me mettre dans des personnages aussi Et justement, donc tes textes, tu essaies plutôt de faire parler quoi, de faire traverser quel message à travers tes textes? Ça dépend des chansons, je veux dire. Puis ça dépend aussi des périodes de ma vie, parce que pour le coup, cette EP retrace déjà un an de ma vie au final. Ça dépend. Mais le titre de l'album porte bien son nom, ce qui s'appelle Protest and Dissent. Et c'est pour nous, de manière générale dans le groupe, quelque chose qui est important, c'est que ça parle de liberté, en fait. Liberté, autant liberté d'expression que le droit d'exprimer un désaccord. C'est des sujets qui sont très souvent abordés dans mes textes. Le fait de choisir une vie un peu alternative, tu vois, être un petit peu en marge de ce qui peut se faire, le train-train quotidien, et de l'assumer entièrement. Mais après, voilà, je me pose toujours plein de questions. Je pense par exemple à une des chansons qui est déjà sortie, Perihelios. Perihelios, c'est une chanson qui s'adresse à un ami à moi, en fait, qui a un lifestyle un peu hard, tu vois, très attiré par ce qui peut lui faire du mal, la fête, l'alcool, la drogue, etc. Et en même temps, en fait, je vois ça d'une manière très bienveillante, finalement. Je me dis que c'est peut-être lui qui est dans le vrai, parce qu'il rentre dans aucune case, c'est un esprit libre, il est un peu fou comme ça. Et voilà, dans cette chanson, du coup, je relate un petit peu ces faits-là, toujours d'une manière un petit peu romancée, évidemment. C'est pas noir sur blanc, c'est pas ce que tu verras forcément dans les textes, mais c'est ce qui est caché plus ou moins derrière les mots. Et donc voilà, je me pose des questions, je m'interroge sur effectivement est-ce que c'est lui qui a raison. Donc tu te remets en question, quoi, voilà. Énormément, dans le sens où on cesse d'évoluer. Je veux dire, il y a eu des grands changements dans ma vie, Luna en fait partie, tu vois. Avant, j'étais dans un groupe qui s'appelait Darkness Dynamite, et on est rentré d'une date merveilleuse. D'ailleurs, on a eu l'opportunité de jouer au Hellfest. Oui. On rentre de cette date et on décide de splitter, tu vois. Oui. La vie est faite de choses comme ça, on peut jamais trop savoir. Et au final, c'est ce qui m'a permis de rencontrer aussi, enfin, je les connaissais déjà, mais m'ouvrir à d'autres musiciens et créer Lunar Experiments avec Adrien, Cam et Vincent. Et ça m'a permis de passer à autre chose, d'écrire une nouvelle page un petit peu Donc oui, se réinventer tout le temps, c'est quelque chose d'important et c'est ce que je fais dans mes textes continuellement. J'essaye de, si je traverse une période un peu sombre et que je la place dans un texte, je serais très satisfait de la faire revivre, tu vois, à l'instant T pour les lives ou l'interpréter, mais ça sert d'exutoire quand même, je m'en rends compte. D'accord. Ça permet de passer à autre chose. Le EP qui va sortir, il y aura combien de titres sur cette EP? Alors là, on a 5 chansons sur celui-ci. Mm-hmm. Des chansons un peu longues qui vont peut-être pas forcément nous permettre de passer sur toutes les radios, justement. Mais c'est vrai que le format, comme je te disais au tout début, on n'y tient pas rigueur, en fait. On se dit pas, faut vraiment que ça rentre dans une case ou quoi. On se lâche complètement. S'il n'y a qu'une seule fois le refrain dans la chanson, tant pis. Le but du jeu, c'est pas, c'est d'amener à des histoires, vivre une aventure, plus que avoir un format de chanson qui va vendre, quoi. Ouais. Mais, de toute façon, c'est de faire déjà le premier temps. Maintenant, c'est de faire ce que vous aimez déjà. Voilà, parce que maintenant, espérer de pouvoir en vivre, malheureusement, on n'est plus dans la période années 80 où on pouvait être signé et gagner énormément de thunes avec la ZIC, quoi. On en est loin. C'est sûr. Bah, du coup, la question que je me pose, c'est pourquoi on le fait dans ce cas-là. Donc, si c'est se faire plaisir. Uniquement par grande passion et par envie, parce que nous, on fait de la musique depuis qu'on est gosse. Voilà, moi, je fais de la guitare depuis que j'ai 12 ans. Je pense que c'est pareil pour les autres de mon groupe. Ils ont toujours eu des projets musicaux, des envies, des ambitions aussi. Et aujourd'hui, l'ambition, c'est écrire de la musique, la produire par soi-même, organiser ses propres concerts, parce que c'est tout ce qui nous a été amené à faire ces dernières années. On a eu un début un petit peu difficile qui m'a poussé à être très dans la démarche, tu vois, de faire des choses. Et donc j'ai monté mon asso pour organiser des concerts. Oui. Voilà, ça a été beaucoup de travail, mais plein de bonnes choses au final. Aujourd'hui, je prends du recul et je me rends compte que ça m'a amené à faire beaucoup de choses que d'autres projets musicaux ne m'avaient pas forcément poussé à faire. Est-ce que cette EP, on peut dire que c'est un EP concept éventuellement? Est-ce qu'il faut écouter les chansons l'une à la suite de l'autre ou pas? J'aimerais bien que les gens prennent le temps de faire ça, dans le sens où c'est comme ça que moi j'ai trouvé l'amour de la musique, à l'époque où on mettait une galette et qu'on l'écoutait du début à la fin, tu vois. Je suis un très très grand fan de Tool. Oui. Tool, pour moi, c'est pas possible d'isoler une song, tu vois, tu fais play du début à la fin, il y a des trucs peut-être moins concept que Tool, mais comme par exemple, je sais pas, ce groupe avec le chanteur avec des cheveux énormes, là, Coed & Cambria, par exemple, tu vois, ils font des trucs plus pop aujourd'hui, et je trouve que c'est pareil, c'est très difficile d'isoler une chanson d'une autre, donc si effectivement... il y a des fans de prog rock ou de rock, simplement, qui nous écoutent, et même des amoureux de la musique. L'EP sort en digital le 15 septembre, et sur toutes les plateformes de streaming, tu peux l'écouter de la première à la dernière chanson. Oui. Et effectivement, si on peut se laisser porter de la première à la dernière, ce serait merveilleux. Est-ce qu'il y a une date pour une release partie éventuellement et des dates de concert un peu partout? Alors, on a une date de release partie à Paris, ce sera le 12 octobre. Oui. Donc là, on a la chance d'être programmé par une belle team d'organisateurs de concerts qui s'appelle Alternative Live et qui nous ouvre les portes d'une chouette salle pour le coup qui est juste à côté du Moulin Rouge. Hein. C'est le backstage. Et la chance qu'on a, c'est que on propose un concert gratuit. Donc moi, je trouve que c'est plutôt cool aujourd'hui de pouvoir proposer une release party gratuite. Donc pourquoi s'en priver, quoi? Tout le monde est les bienvenus. Du coup, je sais qu'on est en Belgique et on n'a pas encore de date de prévu par chez vous, mais en tout cas, on cherche, on démarche et ce sera avec plaisir qu'on viendra faire des concerts par chez vous. Attention, nous sommes sur la frontière, on fait même pas un kilomètre, on est dans le nord, donc voilà. Oui, quoi. Oui. Donc voilà. Je vais te laisser le mot de la fin pour les fans éventuellement, voilà, je te laisse le mot de la fin pour vous vendre entre guillemets, voilà, pour vendre un peu votre musique, et voilà. D'accord. Bah écoute, je prends ce temps aussi pour te remercier pour l'interview. Merci. Et du coup, bah Lunar Experiments, ça fait, c'est peut-être nouveau du coup pour ceux qui nous écoutent. Pour moi, ça fait depuis 2012 que le projet existe dans ma tête, et c'est un vrai soulagement de pouvoir en parler aujourd'hui et pouvoir communiquer dessus. Et du coup, bah, 2012 à aujourd'hui, ça fait du chemin et on n'a pas prévu de disparaître tout de suite. Donc, n'hésitez pas à aller écouter, il faut le faire. Hein, c'est gratuit, c'est beau, c'est la musique, quoi. Oui. Moi, j'ai choisi un morceau. Ben, j'en ai eu deux, donc With My Blinded Choice ou alors Perry Elios. Tu préfères qu'on joue lequel? Tu les as déjà écoutés ou... Je les ai écoutés tous les deux, ça me plaît bien tous les deux, donc bah, j'aime bien le prog alors. Donc, Ok, super. Mm-hmm. Super, bah écoute, j'ai parlé de Perry Elios tout à l'heure dans l'interview, donc let's go sur celui-ci. Voilà, ok. Et bien voilà, moi je te remercie Isaac et j'espère vous voir chez nous prochainement en concert. Quoi. Avec plaisir. Et je vais te laisser annoncer ton titre alors, voilà. Et du coup, bah, la prochaine chanson que vous allez écouter, les gars, c'est Perry Elios A de Lunar Experiment. Voilà, ciao Zach, merci beaucoup. Et ciao. Salut, passe une bonne soirée. Merci à toi aussi, oui. Change the taste of my tears. Voilà, donc c'était Zach, hein, guitariste, chanteur donc de Lunar Experiment. Voilà, c'est du prog, du rock prog, et on les remercie de nous avoir accordé cette interview. On va retrouver Sylvain pour une chanson que tu as sélectionnée. Et puis après, juste avant de retrouver la Slasher Song, on annoncera les vainqueurs pour le concours pour Bull Run. D'accord. Voilà, mais d'abord, je vais te laisser annoncer un titre que tu as pris. Alors moi j'ai sélectionné dans les nouveautés, nouveautés maison de disques et ainsi de suite, donc c'est Alter Bridge avec le titre Metal Angus en live. Voilà, et Alter Bridge ça déchire, on les a eu l'occasion de les voir où elle fait cette année. Donc là ils sortent un nouvel album, donc voilà quoi, nouveauté, bien sûr c'est un groupe connu mais c'est nouveauté en album. Hein. Ouais, c'est un triple album live, deux CD live et un CD de chansons rares, donc voilà. Et on a eu l'occasion d'assister à la conférence de presse. C'est des gens super gentils, ils se prennent pas la tête. Ouais, et puis c'est toujours intéressant les conférences de presse. Hein. C'est vrai que moi j'ai assisté à une conférence de presse parce que je les ai pas toutes faites. Et c'est sympa. Montrez vos nichons. Ouais, voilà. Voilà. J'ai montré les miens, mais ils n'ont pas aimé. Bon, enfin, ils sont spéciaux hein, quand même. Hein. Voilà. Il n'y a que moi qui applaudis. Hein. Ouais. Allez, je te laisse annoncer ton titre. Alors, c'est Alter Bridge avec Metal Angus en live. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce to you on the drums, Mr. Scott Phillips. We'll be right back. Alors c'était le groupe Alter Bridge avec le titre Metal Angus en live. C'est pas mal, hein, ça joue bien. Hein. C'est bien, hein. Ça donne envie. Bon, ça donne envie, on les a déjà vus, donc c'est bien, mais bon, ça donne envie de les revoir. On verra bien hein, cette année qui vient pas au Hellfest. Hein. Ouais, mais enfin, eux, ils font une tournée, donc, mais bon, il faudra peut-être qu'ils pensent à s'arrêter un peu dans le Nord. Hein. Bah, nous, on n'a pas grand-chose hein, pour l'instant. Si, des petites salles. Des petites salles, des zéniths cette année, on n'en a pas encore vraiment non. Pour le moment. Quoi, non. Et puis il y a le grand stade à Villeneuve-d'Ascq hein, qui pourrait mettre pas mal de gens, hein, ouais, pas mal de groupes. S'ils nous entendent, ben voilà, pensez à ça. Faites pas que des. J'ai rien contre du tout, hein, faites pas que du Rihanna ou des choses comme ça. Pensez aussi à nous. Bah ouais, On va pas tout casser. Hein, on va pas tout casser. Voilà, la preuve, regardez, belle chemise, ça c'est le métalleux classe. Voilà. Alors, juste avant de retrouver la slasher song, il y a eu trois gagnants. Ouais. Il y a eu trois gagnants. Il y a Vaken qui a gagné. Il y a Agnès ou Yannick. Ils ont joué ensemble, mais bon, il y en a qu'un qui a gagné. Donc, vous vous disputez, les amis, Agnès ou Yannick. Vous arrachez le CD. Voilà. Vas-y, Agnès. Et notre ami tout partout, Jérémy ah, c'est bien ça. Jérémy tout partout, Jérémy tout partout, qui a remporté le CD. Donc il nous en restera un qu'on remettra en jeu la semaine prochaine ou un autre jour. Car il y a un autre concours qui va arriver bientôt pour pouvoir remporter des compilations de chez Frontier Records. Et on remercie encore une fois Tonton Roger de nous faire confiance et nous envoyer les galettes pour faire gagner. Voilà, donc félicitations à vous les amis, et voilà, continuez à jouer, c'est bien, et ça nous fait plaisir, c'est la preuve que vous êtes à l'écoute. Alors, le slasher aujourd'hui, ben, il a décidé, Sylvain, ça va peut-être te faire plaisir, hein, il a décidé de jouer une chanson de Pain. C'est bien ça, ouais, Pain qui est bientôt en concert à Coxside, en Belgique. Là, c'est le concert, moi j'ai fait quelques concerts en Belgique, à Coxside, moi, à Coxside, au stand. Ce qui était génial, c'est que je partais plus tôt pour aller bouffer un moule frite au restaurant et après aller voir le concert. C'était la bonne époque quoi, où il y avait assez bien de concerts. Maintenant, voilà, on verra bien. Quoi. On attend nos accrèdes. On va s'écouter Pain, donc c'est le show du Slasher. Il a décidé de prendre une chanson du dernier album. Ah, super, merci Slasher. L'album s'appelle Coming Home et on va s'écouter Final Crusade. C'est la Slasher Song de ce soir pour lui. Hello, c'est le Slasher sur RQC 95 FM sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma Slasher Song. Time to say goodbye. The last meal. Alors, je suppose que ça t'a fait plaisir, ça. Oui, ouais, c'est pas mal, ça. J'aime bien, moi, peine. Ouais. Tu aimes bien tout ce qui touche un peu le prog, entre guillemets. Et le, non, ah, le prog, moi. Indus. Indus, l'indus, c'est... Mm. Voilà, quoi. Donc, normalement, si tout va bien, on sera en train de manger un moule frite avant d'aller voir le concert. On verra bien, on verra bien. On verra bien, hein. On ira peut-être jouer au casino si on peut-être a gagné les 130 millions d'euros à la cagnotte. Voilà. Alors, le prochain qu'on va s'écouter, ça, c'est tout nouveau, c'est tout frais. L'album s'appelle For the Record. C'est Seven Hard Years. Soit vous pouvez appeler le nom Seven Hard Years, ou tout simplement, comme eux, ils le marquent, 7HY. Mm. Burning Rain, c'est vraiment pas mal. C'est un de mes coups de cœur aussi de cette semaine. Voilà, c'est du bon hard rock, Seven Hard Years, Burning Rain. Juste avant de retrouver la balade crapuleuse. Et oui, la balade crapuleuse. Mais on va encore passer encore un titre que Tonton nous a envoyé. Hein. Le groupe s'appelle Howling Machine, l'album s'appelle Fever. C'est un groupe français et on va s'écouter For You. Pour vous, pour vous, c'est For You. Après, on écoutera la balade crapuleuse. Et vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM avec vous, Sylval et moi-même. On fait un petit coucou à tout le monde qui nous regarde, parce que vous êtes plein à nous regarder quand même. Voilà, et ça coucou fait. Coucou Agnès, coucou Thierry, Coucou Claude. Enfin, tous les gens qui nous regardent, ça nous fait plaisir. Un peu partout. Un peu partout dans le monde. Voilà. Et on pense aussi à nos amis américains du côté de la Floride. De la Floride. On peut comprendre qu'ils ne nous regardent pas, mais on est de tout cœur avec eux. Et tout cœur avec le Mexique. Hein, on a beaucoup d'auditeurs aussi du Mexique qui ont eu un tremblement de terre. Hein, voilà. Et aussi du côté des Antilles françaises. Oui, c'est ça. Où on les écoute aussi. Saint-Martin, Barthélemy. Voilà. On leur fait tous un gros bisou en espérant que tout va bien. Que ça aille mieux. Voilà. Enfin, tout va bien. Hein? Dans le meilleur des cas, comme on dit. Allez, All Machine avec le titre For You. Voilà, alors, c'était pas mal, hein. Ouais, ça joue bien aussi, ça. Ouais, c'est du bon rock'n'roll. Ouais, c'est du rock'n'roll. Ouais, Howling Machine, l'album s'appelle Fever, et le titre qu'on écoutait, c'était pour vous, c'était For You. Voilà, et donc, c'est l'heure de la balade crapuleuse, il est 21h04 à l'horloge de notre studio, et on va s'écouter la balade crapuleuse, et aujourd'hui, j'ai choisi Reaper avec Far Away. Où naviguent les ondes libres ? RQC 95 FM, le seul compromis, la bonne musique. We'll be right back. Voilà, voilou, donc c'était The Reaper, l'album s'appelle Fairy Return et c'était Far Away, c'était la balade de ce lundi. Alors, tu Alors nous moi as choisi quoi? J'ai choisi le nouveau Septic Flesh. Mm-hmm. J'aime bien ce groupe, j'aime bien le chanteur. D'accord. Voilà, tout le monde est au courant. Mm-hmm. Alors, j'ai choisi le titre Portrait. Oui. Donc, Septic Flesh, c'est un groupe qui vient de Grèce. Oui, Greek in Land. Oui, il y a quand même pas mal de Grecs dans le métal. Ouais, pas mal du tout. Ah, ouais. Mm-hmm. Oui. Donc voilà, donc c'est du symphonique, death metal, on va dire ça comme ça. Hein, mm-hmm. Donc voilà, le nouvel album de Septic Flesh et le titre Portrait. L'album s'appelle Codex Omega. Mm-hmm. Tu te rappelles qu'on en avait parlé de Septic Flesh pour donc le chanteur qui fait les pochettes pour Dagoba. Oui. Voilà. Et c'est un mec super sympa. Tu te rappelles qu'il avait présenté des frites au slasher dans le tourbus? Ouais, dans le tourbus. Ouais. Quand on faisait l'interview de Moonspell. On était à Vossela avec Moonspell, slasher, toi, moi et Sonia. Et Soso, qui était avec nous. On avait bien rigolé ce jour-là. Voilà. Ouais. Et même Fernando a dit, ouais, le bon pour les frites, mais pas d'alcool pour le petit. Ouais, voilà. Et les gentils Fernando ouais. aussi. Allez, je te laisse annoncer ton titre. Ouais, donc Septic Flesh avec le titre Portrait. Pas mal avec cette petite touche d'Orient là, comme ça, sur la fin. Ouais, c'est bien. Enfin, moi j'aime bien, c'est agréable à voir en concert et tout ça. Enfin, moi j'aime bien. Ouais, Septic Flèche. Ouais. Et donc c'était ? Donc Septic Flèche avec le titre Portrait. Voilà. J'espère qu'il va tourner par ici. Et qu'il va nous montrer son portrait. Dire autre chose. Et en plus, ils vont peut-être faire la première partie de Johnny Hallyday. Non, mais là, je rigole. Peut-être. Linda, je t'invite à Johnny Hallyday avec la première partie Septic Flèche. Je te présenterai le chanteur, tu verras, elle est très gentille. Voilà, et en plus, ça aurait fait sûrement plaisir à Agnès et Yannick, ils aiment bien ce genre de zik. Ouais. Le prochain aussi, à mon avis, ils vont aimer. C'est nouveau, c'est tout frais. L'album s'appelle Left Hand Past. Le titre est 45 Crusade. Et c'est Cannabis Corpse. C'est pas Cannibal Corpse, c'est Cannabis Corpse. Ouais, cannabis comme le cannabis. Voilà, ouais, c'est ça. Ici, on en abuse beaucoup, mais dans la tête. On n'est pas des consommateurs. Mais il n'y a pas besoin de ça pour planer, car notre musique nous fait planer. Et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. Allez, c'est parti. Et on parlait justement de Moonspelt. Eh ben, regarde, enfin, écoute. Salut, this is Fernando from Moonspell, and you are together with me on Riff d'Enfer. Rock on! We'll be right back. voilà, c'était... Cannabis. Cannabis Corpse. Bien retenu, hein. T'as bien retenu. C'est pas mal, hein. Et c'était The 45 Crusader. Voilà, donc... et ça fait plaisir. Aux personnes qui aiment bien comme ça, des trucs un peu... Un peu violents. Un peu violents, voilà. On joue un peu de tout, c'est comme on dit, c'est ce qui fait la force. Ouais, de... c'est ça, ça... De Rive d'Enfer. Ouais, l'oignon fait la force. L'oignon fait la force. Ouais, voilà. Et l'oignon fait péter aussi quand on mange la soupe à l'oignon. Ah, je rigole. Non, mais c'est, j'ai mangé un clown aujourd'hui. Allez, avant de retrouver ta Sylvalsung, on va s'écouter Kawir. Avec... Attention, hein, si tu manges trop d'oignons, tu pourras pas manger des moules. Ah, mais... Joli. Kawir avec Oedipus. Non, j'ai pas des puces. Et alors, ça s'appelle Exilasmos. C'est un EP, c'est spécial. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Et après, on trouvera ta Sylvalsung. We'll be right back. Voilà, donc juste à l'instant, c'était une nouveauté avec Audi Opus, avec Kaouir. Voilà, c'est un peu plus rentre-dedans, mais ça fait du bien. Il est 21h30. Alors, loge de notre studio. Et là, tu nous as choisi quoi écoute, pour ta Sylval Song. D'ailleurs, c'est la Sylval Song. Oui, c'est lors de la Sylval Song. Bah écoute, moi, j'ai choisi le dernier, Alice Cooper. Franchement, l'album s'appelle Paranormal. Et bah, il est génial. Franchement, il est génial. Bon, c'est sûr que Alice Cooper, c'est pas du tout du death metal, hein, ça c'est clair. Non, c'est du bon rock, hard rock. Hein. Ouais, c'est un bon hard rock. Hein. Bah, pour moi, c'est quelqu'un. C'est un vieux de la vieille, quoi. Bon, elle a quand même 69 ans et je trouve génial, moi, sur scène, ce gars. Ouais, c'est vrai qu'on a vu il y a deux mois. Bah, écoute, non, moi, il y a j'ai un vu mois. Plus que toi. Ouais, mais je veux dire, il y a un mois, on l'a vu la dernière fois. Surtout, j'avais été le voir au Cirque Royal à Bruxelles. Ouais. Hein. Il faisait quoi, le clown? Bah, écoute, on pourrait dire. J'aime pas cette salle, malheureusement, j'aime pas du tout. Enfin bref, je t'ai expliqué, je t'ai envoyé une vidéo et tout, comme quoi j'avais peur. T'avais peur de tomber. Ouais, c'est impressionnant, on dirait qu'on est suspendu. J'aime pas du tout. Mais au trapèze. Non, ah bah pas. Voilà, bah écoute, ça doit être ça que ça s'appelle le cirque, j'en sais rien, écoute, mais j'ai pas aimé du tout. Enfin bref. Mais pour en revenir au dernier album, bah moi j'aime bien tous les titres. D'ailleurs, tu me dis quel titre que tu joues, je t'ai répondu. Ouais, j'en sais rien, ils sont tous bons. Voilà. Mais je veux dire, on a eu l'occasion il y a un mois et une semaine de le voir pour son show. Ouais, au Locker Sofesten. Ouais. Et moi, j'avais jamais vu. Hein, t'avais jamais vu ? Si, j'avais vu, mais de loin, ouais, voilà, sans plus. Ouais, moi, je l'ai vu. C'était mon premier concert métalleux que j'ai pu voir. J'avais pour mes 18 ans, j'étais voir Alice Cooper à l'Olympia, à Paris. Voilà. Et franchement, un très très bon showman. Et pas avare, comparé à certains artistes. On avait eu droit à 4 chansons pour des photos. Il attire encore, comme on dit, du monde. Parce qu'il y avait les Megadeth qui étaient dans le pit avec nous pour regarder le show. Et c'était extra, quoi. Ouais, bon, moi, j'ai tenu jusqu'au bout parce que j'aime bien Alice Cooper. Donc, au Locker and Fest, même si j'étais pas bien placée. Mais je suis restée jusqu'au bout. Non, j'adore cet artiste, moi. Alice Cooper, c'est l'un de mes préférés. Bad Boys, hein, on va dire ça comme ça. Hein, bah, c'est ce qui se considérait comme un Bad Boys à un moment donné. Hein. Ah, c'est sûr que, bon, ancien alcoolique, ancien drogué. Hein, Et il est revenu de loin, comme il le disait aussi. Ouais. Bah, un beau jour, il s'est dit, il faut que j'arrête. Hein. Ouais. Et moi, comme je t'avais dit une fois, j'ajoute en balade la fameuse balade que j'adore d'Alice Cooper, I Wanna See Me Now, qui dit vraiment, il parle de sa femme, il est revenu pour sa femme. Mais ça, j'en parlerai une fois quand je passerai la balade. Mais c'est vrai que pour le show, je suis resté sur le cul, franchement, un super show. Bien. J'aime bien, moi. Moi, j'aurais vu vraiment guillotiné, pendu. Électrocuté maintenant sur la chaise. Mais tu l'as pas encore vu guillopiné. Non, non, mais dites donc. Mais par contre. Faut arrêter de parler la nuit avec le style panthère. Mais par contre, je tiens à dire honnêtement que il est passé partout. Il a fait du rock, du hard rock, du heavy. Moi, j'aime mieux sa période heavy personnellement avec Poison, Ace Stupid. Mais il a fait vraiment. Après, il est un peu parti un peu dans du plus, on va dire, brutal. C'était avec l'album Planet, Dragon. Dragon. Il était un peu plus brutal, hein, celui-là. Ouais. Mais il est toujours là. Ouais, voilà. Et puis il est super sympathique, Alice Cooper. Voilà. Mais il est petit. Bah, écoute, vous voyez, moi je le voyais grand. Ouais. Bah, écoute, pourtant j'ai eu l'habitude de le voir sur scène. Je voyais un monsieur très grand. Et je me suis retrouvée nez à nez avec lui. Bah écoute, il est de ma taille. Et ben voilà. Voilà, mais super sympathique. Vraiment, il rigole tout le temps. Tout le temps. Et même sur scène, il rit. Enfin, là, on ne peut pas dire qu'il rit parce qu'il joue un personnage. Donc, des fois, il a des postures avec des mimiques. Oui, puis des fois, il regarde méchant. Hein. Ça dépend quelle chanson qu'il interprète. Mais Alice Cooper, c'est showman. Hein. C'est une pièce de théâtre. À vrai dire, vous assistez à un concert et en plus, une pièce de théâtre. C'est théâtral. Voilà. Je te laisse annoncer ton titre. Bah écoute, moi j'ai choisi Fallen in Love, pourquoi pas. Voilà. Mais ils sont tous super. Voilà. Ça déboîte, c'est vraiment génial. Ça déboîte avec Alice Cooper. Allez, c'est parti pour la Sylval Song alors. Yes. Whoa. She's beautiful. Eh oui, les métalleuses et les métalleux, c'est l'heure de la Sylval Song. Alors voilà, c'était le dernier Alice Cooper. Alors je vais sortir ma petite feinte, comme t'aimes bien. Hein. Ouais. Comme ça, tu pourras me rattraper. Ça sent le ZZ Top. Hein. ZZ, d'accord, mais Top, je sais pas. Non, si. C'est Bill Gibbons. Ouais, ouais, c'est vrai que on aime bien sortir nos petites plaisanteries de temps en temps. Mais salace. C'est sûr que on sent qu'il y a. Bah, c'est clair, du ZZ Top là-dedans. On sent bien le guitariste. Hein. Ouais, Bill Gibbons. Et, ça aussi, c'est un groupe que j'adore. Mmh. Et la petite anecdote, c'est que Alice voulait qu'il figure sur son album. Mmh. Et il a dit, Bill, tu peux venir. Tu sais, en Amérique, les artistes, ils prennent l'avion comme nous, on prend le transport en commun. Bien sûr, ils ont le jet et compagnie, hein, c'est sûr. Et il dit, je peux pas, je suis malade, mais envoie-moi la chanson. Donc, Fallen in Love, il lui a envoyé. Et le lendemain, il avait en retour tout le passage guitare. Et ce qui est marrant aussi, c'est que le batteur sur la Alice Cooper, c'est le batteur de U2. Ouais, j'ai vu ça aussi. Et comme il dit, j'ai jamais travaillé avec quelqu'un comme ça, parce que le batteur de U2, lui, il demande d'avoir les paroles, il ne demande pas d'avoir la musique, et il crée ses rythmes de batterie avec... c'est assez bizarre, je connais pas beaucoup de batteurs qui font travailler comme ça. Bah mais vrai. C'est assez marrant, quoi. T'imagines, tu fais l'interview du groupe, tu peux faire ZZ Top, tu peux faire YouTube, Alice temps, et YouTube, ouais, la totale, quoi. Ouais, c'est génial. Enfin, moi, le dernier album d'Alice Cooper, franchement, je l'affectionne. Vraiment, c'est pas... c'est pas du revu, du entendu... je sais pas, franchement, pour quelqu'un qui est un vieux de la vieille, hein, on va le dire ça comme ça, hein, c'est encore le top à Loire, comme je dis toujours que je vais faire, mais c'est vrai que, allez, il déménage à mort, cet album. Ouais. Je te dis, tous les titres, ils sont super bien faits. Tu sens que... tu sens vraiment un orchestre qui est là derrière. Hein. Tu sens que c'est vraiment du professionnalisme à 100%. Hein. Voilà, et enfin, moi, c'est mon avis. Mm-hmm. Maintenant, je ne sais pas les gens qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais je trouve franchement le dernier album d'Alice Cooper au top. C'est un grand monsieur. Ouais, voilà. Voilà. Et ben, c'était Tassil Valsung. Alors, on va passer à Midnight Sin. Pas Midnight Sun, qui est un titre des Crime, donc copain Philippe Leta qui chantait dedans. Mais Midnight Sin avec Loaded Gun. L'album s'appelle One Last Ride. C'est vraiment pas mal non plus, ça, tu vas voir. Mm-hmm. C'est bien aussi à Midnight Sin, hein. Ouais, c'est pas mal, ça bouge bien. Ouais, c'est Loaded Gun avec One Last Ride. Alors, tu as encore choisi un titre, ouais, c'est quoi? Ouais, j'ai choisi une petite nouveauté. Alors moi, je suis partie loin, écoute, je suis partie en Australie. Ah, les kangourous? Ouais, pays des kangourous. Mm-hmm. Alors, j'ai choisi le groupe The Radio Sun. Oui. Et avec le titre Only You. Only You. Non, c'est pas la chanson, la chanson des Platters, non, on va pas vous faire celle-là. Allez, c'est parti donc. Avec... Allez, The Radio Sun, le groupe, avec le titre Only You. Into my eyes and tell me what you see. I don't really know how I'm gonna tell you. My emotions set me free. I know you're the only one to show me how. Only you, you really understand what I'm going through. Want you to stay. I don't really know how I'm gonna tell ya. Now is the time to see. I know you're the only one to show me how. Only you, you really understand what I'm going through. I told you all I really need is you. Voilà, c'était pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Bon, c'est tout tranquille, hein. Ouais, c'est tranquillou. Ouais, c'est du power mélodique, un peu heavy quand même, moi, je trouve. Hein, donc, c'était The Radio Sun, avec le titre Only You. C'est un petit groupe australien. Voilà. Un petit groupe australien qui est parmi les kangourous. Voilà. The Cryl avec Snake, Charmer, Woman. C'est extrait de l'album Born From Fire. C'est tout de suite, c'est là, c'est maintenant.